Thank you. ça sur le compte de l'antivirus qui me fait chier. Ah bah ouais. Bah oui, que je veux te quitter, connard. Bien sûr que tu m'emmerdes. Et ça, c'est quoi le VPN? J'en ai rien à foutre de ça aussi. Voilà.